Bonjour amis scorpions, je vous retrouve pour le tirage de l'oracle de Béline concernant le mois de septembre 2023. Alors, qu'en est-il? Donc, on a décidé de procéder à un tirage général parce que le mois de septembre, la rentrée, c'est souvent un nouveau cycle pour beaucoup d'entre nous. Donc, quel est le message de l'oracle de Béline de manière générale pour vous? Dans quel domaine, de quel domaine va-t-il vous parler? Voilà, donc je m'adresse aux scorpions et aux ascendants scorpions. On y va. Septembre 2023, scorpion. Waouh. Alors là, je suis désolée, ça a sauté. Il faut quand même que je regarde. Bon, la stérilité. Peut-être que... On va voir le reste. Là, je ne la regarde pas. Elle ne s'est pas retournée. Il faut que je me concentre. La stérilité, c'est peut-être un petit blocage. Mais il faut voir la suite. Oui, oh. Alors, en effet, il y a une coupure. On va voir. Ça parle de rupture, de fin, de quelque chose, que ce soit affectif. La stérilité s'est retournée, c'est la solitude. Donc, il peut y avoir une rupture pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'est compliqué hein, de faire le tirage pour tous les natifs scorpions ou ascendants scorpions. Mais l'oracle, il s'adresse peut-être à certains d'entre vous. Il a envie de passer ce message-là. Donc, attention à une rupture amoureuse et à la solitude en septembre. Ok. Oui, mais du coup... Ouh là là. Bah, écoutez, ça parle de ça. Je suis vraiment désolée pour les scorpions. Évidemment, ça n'arrivera pas à tous les scorpions. Mais en tout cas... Il y a une mise en garde, voilà, donc autant la prendre en compte. Peut-être que lors des vacances ou lors d'une sortie dernièrement, il y a pu y avoir des difficultés dans votre couple. On a pu vous reprocher des choses, ou vous pouvez reprocher des choses à votre conjoint, conjointe. Et par rapport au plaisir qui rayonne sur le jeu, eh bien voilà, il y a un blocage. Moi j'ai l'impression qu'ici, vous avez constaté que vous ne partagez peut-être pas les mêmes centres d'intérêt en vacances ou autres, ou les mêmes goûts, et cela vous empêche de communiquer complètement sur tous les plans. Cela peut vous ennuyer. Encore une fois, je m'adresse à certains scorpions, à certains ascendants scorpions, et donc cela va entraîner eh bien, une rupture. Là, la coupe était claire, et ben, du coup, ici, ça confirme, le tirage confirme cela, une rupture amoureuse. Bon, je vais quand même en retirer trois autres. Alors, attention qu'il s'agit d'un tirage et donc d'un conseil. Ça vous donne un peu une idée de la rentrée. Bon, ici, c'est pas très joyeux, mais évidemment, ça peut ne pas arriver. Cela vous indique également de faire attention parce que, justement, il y a un état d'esprit dans le couple. Apparemment, le couple s'est rendu compte qu'il avait il manquait peut-être d'atomes crochus où il passe une phase compliquée. Dans la communication, et donc voilà, attention, ça vous dit réveillez-vous ou essayez de rétablir tout cela rapidement, parce que sinon la rupture vous guette. C'est peut-être vous qui avez envie aussi de rompre, à vous de voir. En tout cas, cela indique derrière que vous avez besoin de vous libérer au niveau de votre âme, de votre spiritualité. Vous avez besoin de vous retrouver avant tout pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir affronter avec plus de sérénité vos relations amoureuses. Alors, je m'adresse également aux célibataires. Comme vous le voyez, il y a une déception amoureuse, donc la personne peut-être que vous convoitiez n'est pas favorable à votre relation, mais en tout cas, le message, il est, que ce soit au couple ou au célibataire, l'oracle de Béline, il dit, essayez de revenir à vous, à l'essentiel, à ce que vous voulez, et à ce que réclame votre âme, je dirais, pour pouvoir éviter les rapports de force, Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez compris le message. C'est un peu complexe car je m'adresse à tous les scorpions. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez traverser cette période avec en attrapant les bonnes perches et en analysant au fur et à mesure les événements qui se produisent pour pouvoir réagir au mieux. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de septembre.